La femme russe au XVIIIe siècle, par Paul Thora. Deux fiancées impériales. Elles étaient toutes deux princesses et toutes deux, semblait-il, destinées à rehausser l'éclat d'un trône par leur beauté. L'une possédait la grâce qui attire les cœurs et désarme l'envie. L'autre avait cette fierté superbe qui impose aux multitudes et met au front des reines une auréole. Elle foulait l'hermine d'un pied dédaigneux et acceptait les hommages de la foule comme un tribut dû au sang dont elle était issue. Nées de races ennemies, toutes deux assistèrent, impuissantes et sans voix, à la lutte qui devait décider de leur bonheur et de leur liberté, et précipitées de l'opulence dans la plus affreuse misère, elles expièrent par leur martyr les ambitions et les crimes de leur famille. Telle fut la destinée de Marie Menchikoff et de Catherine Dolgorouki, fiancées l'une après l'autre au jeune tsar Pierre II, petit-fils du réformateur de la Russie et successeur de Catherine Ière en 1726. Peu de vie dans l'histoire offre un exemple plus dramatique d'une infortune sans mélange, succédant à un bonheur parfait, et d'une chute dont la profondeur ne peut se mesurer qu'à l'élévation qui l'avait précédée. Chapitre 1er. Marie Menchikoff. L'histoire n'est pas longue de la jeune existence tôt moissonnée de cette patricienne délicate, grandie dans les palais et qui, comptant 18 printemps à peine, s'en alla dans la terre froide de l'exil, où, semblable à une plante trop frêle pour résister à une tempête, elle courba le front sous le souffle glacé du malheur et s'éteignit dans le bras d'un époux désolé. Lorsque la jeune Marie arriva dans ce monde, de grandes réjouissances célébrèrent l'heureux événement, et si aucune fée du bon vieux temps ne présida au baptême, la présence d'un empereur et d'une impératrice, les dons et les caresses prodigués par leur majesté, semblèrent un gage suffisant de l'illustre destinée réservée à la petite princesse. Plus d'une mère contempla avec envie le riche berceau où l'enfant, reposant au milieu des dentelles, appuyait sa tête sur un oreiller brodé aux fières armes du sérénissime prince Menchikoff. Seules des filles royales pouvaient avoir une layette plus somptueuse, des soins plus assidus, une enfance plus sereine, plus douce et plus choyée. Le père de Marie était alors l'homme puissant, magnifique et redouté de la Russie. Au-dessus de sa tête hautaine, il n'y avait que le tsar. La fortune de ce noble de fraîche date, créé prince et feld-maréchal par Pierre le Grand, dépassait, à ce qu'on assure, le chiffre énorme de 10 millions de roubles, 40 millions de francs. En outre, Menchikoff possédait 100 000 âmes de paysans et de nombreuses maisons dans les deux capitales, des trésors immenses en lingots d'or, en vaisselles précieuses et en pierreries de toutes sortes. On pouvait y tailler une dot respectable à la petite Marie et à sa sœur Alexandra, née peu de temps après. En attendant le moment de s'occuper des épouseurs qui ne pouvaient manquer de se présenter en foule, Marie reçut dans la maison de son père une éducation élégante et soignée. Pierre Ier voulait que ses sujettes fussent instruites et ne le cédassent en rien aux femmes des autres pays. Ses courtisans s'empressaient pour lui plaire d'entourer leurs enfants de gouvernantes et de précepteurs étrangers, chargés de familiariser la nouvelle génération avec les talents et les arts de l'Europe civilisée. Tandis que ses aïeuls avaient à peine su lire, Marie apprit à parler plusieurs langues, à jouer de l'harpe et du clavecin, à danser avec grâce et à se conduire en toutes choses selon les lois de la politesse et du bon ton. C'était, à en juger par les portraits qu'on a d'elle, une gracieuse et jolie enfant, avec une expression à la fois intelligente et douce, qui illuminait ses yeux bruns. L'empereur, qui venait familièrement chez son favori, aimait beaucoup sa petite filleule et s'intéressait aux progrès qu'elle faisait dans ses études. Si le grand homme n'eût pas été enlevé prématurément à ses glorieux travaux, c'est de lui, probablement, que la jeune Marie eût tenu l'époux digne d'apprécier les qualités qu'on avait cultivées en elle avec tant de sollicitude. Mais le 27 janvier 1725, le tsar Pierre mourait, et Catherine Ière ceignait une couronne que l'amour passionné de son époux lui avait peut-être fait entrevoir depuis longtemps. Ce changement étendit encore le pouvoir déjà si grand de Menchikoff. C'était à lui que la nouvelle souveraine devait son élévation, et elle ne pouvait régner que conjointement avec ce fidèle associé de son aventureuse carrière. Devenu véritablement le maître de l'Empire, l'orgueil du prince Alexandre Danilovitch ne connut plus de mesure. Les familles les plus aristocratiques de la Russie lui paraissaient à peine dignes de s'allier à la sienne. Aux Russes, il préféra un étranger pour gendre, et son choix se fixa sur le jeune comte Sapieha, l'un des plus brillants représentants de cette noblesse polonaise, qui se vante à juste titre d'être allié à presque toutes les maisons souveraines d'Europe. Le père du jeune comte jouissait d'une grande influence à la diète de Cracovie, et il se pouvait aisément, dans ce pays de monarchie élective, qu'il fût appelé un jour à porter la couronne des Piastes et des Jagellons. Menchikov comptait bien, si l'occasion s'en présentait, mettre dans la balance le poids de l'or russe et de la vieille épée qu'il avait jadis portée à Poltava. La famille des comtes de Sapieha agréa les avances faites par le prince. 30 ans de prospérité avaient ébloui les contemporains, et personne ne se souvenait plus de l'origine du régent de la Russie. Le jeune comte Pierre arriva à la cour de Saint-Pétersbourg et fut reçu avec les plus grands témoignages de bonté par l'impératrice Catherine. Marie avait 15 ans à peine et se laissa facilement gagner par la prestance charmante de son futur. Les jeunes gens se virent fréquemment chez les parents de la princesse ou au palais, en présence de Sa Majesté, qui s'intéressait cordialement à ses projets matrimoniaux. Les fiançailles furent célébrées le 12 mars 1726 avec une pompe incroyable. On aurait dit un roi promettant sa fille à l'héritier d'un empire. Le canon de la forteresse tonna, les illuminations firent rouler sur la Neva des bagues de feu, les fêtes se succédèrent chez les grands seigneurs, qui voulurent rivaliser de faste et de prodigalité. La cérémonie terminée, Marie et sa sœur reçurent le portrait de l'impératrice enrichi de diamants, et le comte Sapieha fut créé chevalier de l'ordre de Saint-Alexandre Nevski. Après tout cet éclat, Menchikov recule cependant et reprend une parole donnée en présence de deux pays. Il a découvert que sa fille peut prétendre à un parti bien autrement illustre, et qu'il s'est trop hâté en la fiançant au gentilhomme polonais. Toujours docile aux inspirations de son vieil ami, l'impératrice Catherine, avant de mourir, recommande à son successeur, Pierre Alexeïevitch, deuxième du nom, de prendre pour épouse celle qui avait été solennellement promise au comte Sapieha. Menchikov, dans son délire, croit voir déjà la jolie tête de sa fille coiffée du diadème impérial. Pourquoi pas? Les anciens tsars ne choisissaient-ils pas leur compagne parmi les filles de leurs sujets? Et le prince Feldmaréchal n'était-il pas assez puissant pour imposer son alliance au timide jeune prince, sous le nom duquel il se proposait de régner, comme déjà il avait régné sous Catherine? On dit que lorsque Marie entendit annoncer la rupture du mariage projeté, et le départ précipité du comte Sapieha pour la Pologne, la pauvre enfant pleura amèrement. Elle supplie avec instance son père de ne pas sacrifier ses plus chers désirs à des vues ambitieuses. À 16 ans, et lorsque le cœur s'est donné, la perspective d'une couronne elle-même paraît froide et sans attrait. Marie s'était tendrement attachée à l'élégant jeune Polonais qu'on lui avait présenté comme son futur époux. Elle avait obéi avec un empressement docile aux volontés de ses parents, et maintenant on lui commandait d'arracher de son cœur un sentiment qu'elle s'était déjà plu à considérer comme le plus doux des devoirs. Le prince resta inflexible, et Marie dut dévorer ses larmes en secret. Tout espoir lui fut enlevé le jour où elle apprit que le vieux comte Sapieha, justement indigné de l'outrage fait à sa maison, s'était hâté de marier son fils à une autre femme. À cette première épreuve, si dure à supporter en un âge où l'âme s'ouvre au bonheur comme la fleur au soleil, la santé de Marie s'altéra, ses joues perdirent les roses de la jeunesse, et une ombre de mélancolie rendit ce front pur singulièrement grave et pensif. Ces signes évidents de chagrin ne disparurent pas le jour des secondes fiançailles, le 25 mai 1727, plus d'une année après les premières. Cette fois, les réjouissances publiques furent plus grandes encore, et la cour entière vint baiser la main de la jeune princesse, qui dut trouver des paroles gracieuses pour toutes les félicitations et tous les hommages empressés autour d'elle. On s'étonnait de la voir si sérieuse et si pâle, et bien peu de courtisans se doutèrent de ce que ce pauvre cœur souffrait sous le corsage enrichi de diamants qui l'étreignait. Hélas, la vanité féminine est la même partout, et grand était le nombre de celles qui auraient donné 10 ans de leur vie pour avoir le droit de porter le bandeau de pierreries, la traîne en drap d'argent d'une merveilleuse richesse, l'hermine recouverte de velours cramoisi et attachée aux aigles d'or des Romanov dont on l'avait parée. Marie n'osait dire combien elle trouvait pesante pour ses jeunes épaules la royale fourrure, et, docile aux ordres de son père, elle s'efforçait de sourire au petit empereur debout à ses côtés. Cet autocrate, à la veille de devenir époux, n'avait pas 13 ans, et il se sentait aussi malheureux que la princesse. Il détestait Menchikov, qui, semblable en ceci à la plupart des courtisans de Pierre Ier, avait toujours traité le grand-duc avec un profond dédain. Personne ne s'était attendu à voir le fils du tsarévitch Alexis monter sur un trône dont son père avait été déclaré indigne et qui, selon toute apparence, était réservé aux filles de Catherine. Pierre Alexeïevitch avait donc été négligé et assez maltraité jusqu'au jour où l'ambitieux favori, réfléchissant à tout le parti qu'il pourrait tirer de cet enfant, avait conseillé à Catherine de réparer l'injuste rigueur de son mari envers un innocent et de rendre au grand-duc des droits trop longtemps méconnus. Pierre II voyait avec un naïf étonnement la brusquerie à laquelle il avait habitué Menchikov, remplacée par la plus affectueuse déférence et par les marques d'un dévouement absolu. Avec l'instinct souvent juste de son âge, le jeune monarque se méfiait d'une transformation aussi subite. La fiancée qu'on lui imposait lui paraissait une bien grande et sage demoiselle, dont la conversation l'ennuyait, et qui avait surtout le tort d'être la fille de l'homme qu'il haïssait et craignait le plus au monde. Qu'importait au glorieux Menchikov ces sentiments d'éloignement mutuel, éprouvés par deux êtres qu'il persistait à unir l'un à l'autre? Il n'avait pas le loisir de s'arrêter à de pareils enfantillages, lui qui était occupé à former la maison de sa fille et à régler les graves questions d'étiquette relatives au nouveau rang dû à lui-même et à la princesse Daria, mère de la future impératrice. Marie avait reçu le titre d'altesse et s'était vue donner des pages, des écuyers, des gentilshommes, des demoiselles d'honneur, toute une cour enfin qui déjà la traitait en souveraine. Plus encore, Menchikov se préparait à faire inscrire dans le calendrier de la nouvelle année 1728, à côté de la famille impériale, ses noms et prénoms à lui, ceux de sa femme, de son fils et de ses deux filles, avec l'indication du lieu et de la date de leur naissance et du saint patron de chacun d'eux. Ceci se passait au mois de juin 1727. Qui eût prévu alors que l'année suivante, au lieu de toute cette gloire, on verrait le palais du favori désert et abandonné, ses salles grandioses dépouillées de leurs trésors, et tout vestige d'un pouvoir aussi envié que maudit, détruit par un ordre suprême du souverain? Ce fut cependant ce qui arriva. Un oukase de Sa Majesté Pierre II, daté du 6 septembre 1727, déclara tout à coup le prince Menchikov déchu de ses dignités et l'exila de la capitale, lui, sa femme et ses enfants. Le lieu désigné pour la résidence forcée de la famille en disgrâce était la petite ville de Ranenbourg, située dans le gouvernement de Riazan, au centre de l'Empire. Rien de plus simple qu'un pareil événement dans un pays de despotisme et d'arbitraire. Un courtisan avisé avait soufflé à l'oreille de l'enfant qui tenait le sceptre que ce brillant joyau était autre chose qu'un joli hochet. Faible et petite pouvait être la main dans laquelle il se trouvait. Il n'en donnait pas moins à son possesseur le droit de tout vouloir et de tout commander. Pierre, se sentant à ses paroles, homme et roi, prononça le mot qu'on lui demandait et fut tout étonné de se voir si bien et si promptement obéi. Jamais le petit empereur n'avait été aussi heureux qu'en mettant son nom au bas de l'oukase qui le débarrassait d'un tuteur incommode et d'une fiancée dont il ne se souciait nullement. Il se crut grandi de 100 coudées et trouva pour la première fois que régner était une grande et belle chose. Le courtisan avisé, dont la langue mielleuse avait appris au maître que la fortune, la liberté et la vie de ses sujets étaient entièrement à sa disposition, avait nom Ivan Dolgoroki. C'était un homme bien jeune encore, puisqu'il n'avait pas 20 ans, mais que l'ambition dévorait et qui déjà était rompu aux intrigues. En croyant devenir libre, Pierre ne faisait que changer de tutelle, et tandis que les Menchikov sortaient du palais impérial par une porte, la nombreuse famille des Dolgoroki y entrait par une autre, et s'empressait de remplir autour du trône toute la place devenue vacante. La nation put croire qu'il n'y avait rien de changé. Hélas, quoi de plus dépendant et de plus enchaîné que ces pauvres souverains absolus, alors même qu'ils ne sont pas des enfants de 12 ans? la haine contre Menchikov, si longtemps contenue par la crainte, éclata, violente et sans mesure. Bien qu'atteint par la disgrâce, le vieux prince avait quitté Saint-Pétersbourg avec un train digne encore du rang qu'il avait si longtemps occupé. À voir la longue suite d'équipages, de haïducs et de balais, les chevaux conduits par des écuyers et les bagages sans fin, on aurait dit un potentat entreprenant un voyage d'agrément vers quelque lieu de plaisance. Ce déploiement de luxe acheva d'irriter les ennemis du feld-maréchal. L'empereur avait uniquement voulu éloigner de lui des personnes désagréables. Il n'avait eu aucune intention de se montrer un persécuteur cruel et de venger de vieilles offenses, oubliées avec la légèreté de l'adolescence. Mais on lui expliqua que les choses ne se faisaient pas ainsi, et qu'il était bien novice dans le grand art de gouverner. Avant que les exilés eussent atteint Moscou, un courrier de Sa Majesté les rejoignit et leur enleva les insignes des ordres de chevalerie dont ils avaient été décorés et toutes les marques de distinction que Pierre Ier et Catherine leur avaient prodiguées. La princesse Marie dut rendre son anneau de fiançailles, legs de la défunte impératrice et bijoux de toute beauté, dont la valeur était estimée à plus de 20 000 roubles. C'était la seconde fois que la pauvre fille retirait de son doigt une bague, gage d'amour ou de mariage. À Moscou, elle en pleura moins qu'elle ne l'avait fait près de 2 ans auparavant. Alors qu'en rendant l'anneau offert par Pierre sa Pia, elle avait dû en même temps sacrifier tout espoir de jamais être heureuse en ce monde. À Rannenburg, les Menchikov vécurent d'abord dans une liberté relative. La nuit seulement, on fermait les portes de la forteresse qu'ils habitaient, et des sentinelles en défendaient l'entrée et la sortie. Dans la journée, les princes et les princesses avaient la faculté d'aller et de venir comme il leur plaisait, et les autorités continuaient à leur témoigner les égards auxquels ils étaient habitués. Mais ceux qui les avaient remplacés à Saint-Pétersbourg ne pouvaient les oublier. Au printemps, un nouvel oukaz prononça la confiscation de tous les biens de l'ancien feld-maréchal et ordonna que lui et sa famille fussent conduits en Sibérie et traités en tout comme de simples déportés. La disgrâce était complète. Il ne leur restait plus même les apparences de respect et les ménagements qui sont la dernière consolation des malheureux. À la captivité étaient ajoutées les privations les plus pénibles, et c'était l'exil dans toute son horreur, au milieu de solitudes glacées, sous un ciel complice des vengeances humaines. Menchikov se montra plus grand dans l'adversité qu'il ne l'avait été au fait des honneurs. À un âge où toute rupture avec des habitudes devenues une seconde nature est si difficile, le prince supporta sa ruine avec un courage et une résignation qu'il relève aux yeux de la postérité. Aucune faiblesse ne lui échappa. Aucune plainte ne réjouit ses ennemis en leur faisant voir ce que souffrait celui dont la chute n'avait pu assouvir leur haine. Une fois seulement, lorsqu'un de ceux qu'il avait jadis exilé à Tobolsk, accourant sur le passage des illustres proscrits, jeta de la boue au visage de ses filles, le vieillard pleura et reprocha à cet homme peu généreux d'insulter ainsi l'innocence et la vertu. « Que vous ont fait ces enfants pour que vous les outragiez ? Murmura-t-il, et que ne frappez-vous le vrai criminel ? Il y a ici un bien grand coupable, mais un seul, et ce coupable, c'est moi. » Ajouta avec tristesse et humilité celui que l'on avait connu jadis si dur et si superbe. Cette conscience longtemps assoupie s'éveillait à l'heure de Dieu. La princesse Daria Menchikov ne résista pas aux fatigues de ce voyage à travers des steppes sans fin, image parfaite de désolation et d'horreur. Depuis le départ de Saint-Pétersbourg, les larmes de la pauvre femme ne s'étaient pas arrêtées un jour. Elle pleurait sur elle-même, sur son mari, sur la jeunesse et la beauté de ses filles qui allaient se flétrir dans la misère et l'ennui, sur le sort de ce fils de 15 ans qu'elle avait cru destiné aux plus brillants emplois et qu'on traînait à je ne sais quel lieu de supplice. Daria ne devait pas survivre à tant d'angoisse. Elle mourut en chemin et fut ensevelie sur les bords du Volga, non loin de Kazan. Bien des années plus tard, le hasard fit découvrir aux environs de la vieille cité tartare une tombe oubliée, affreusement dégradée par l'intempérie des saisons et sur laquelle on eut de la peine à déchiffrer un nom plus qu'à demi effacé. Ce nom se trouva être celui de Daria Arseniev, épouse du sérénissime prince et feld-maréchal Menchikov. Le lieu où le mari et les enfants de l'infortunée princesse arrivèrent sans elle, était la petite ville de Berezov, perdue dans une plaine froide et monotone. 4000 verstes ou kilomètres séparaient maintenant Menchikov de la capitale qu'il avait aidé Pierre le Grand à bâtir sur les bords du golfe de Finlande et où il avait si longtemps ébloui les étrangers et les Russes par l'étalage de sa prodigieuse fortune. Lui-même éleva de ses mains la cabane en bois où il devait habiter avec ses enfants. Il y ajouta une petite chapelle où il prit l'habitude de passer de longues heures de méditation et de prière, revenant tardivement au Dieu qu'il avait oublié dans les jours de prospérité et de gloire. Durant les soirées d'hiver, si longues à cette latitude élevée, il se faisait lire par ses filles des ouvrages de piété, où leur dictait les souvenirs de sa bruyante et mémorable vie. Ses mémoires eussent été assurément d'un très grand intérêt pour la postérité. Malheureusement, ils ne furent point retrouvés. Peut-être contenaient-ils des révélations gênantes, et des personnes intéressées à leur disparition prirent-elles soin de les supprimer. Quant à la jeune princesse Marie, la preuve du plus touchant dévouement devait la consoler, non pas de l'exil, mais de cette autre souffrance que depuis si longtemps elle cachait au plus profond de son cœur. Les plus actifs persécuteurs des Menchikov étaient, nous l'avons vu, les princes Dolgoroukhi. Ce fut pourtant un membre de cette famille, parent éloigné d'Ivan, le prince Féodor, qui se fit le compagnon volontaire des exilés, le tendre ami et le soutien généreux des pauvres jeunes princesses. Peu après leur installation à Berezov, les Menchikov furent surpris d'y voir arriver un jeune gentilhomme qu'ils avaient souvent rencontré à la cour, mais dont ils n'avaient jamais soupçonné le secret attachement pour Marie. Comment, en effet, Féodor Dolgoroukhi eût-il osé parler de sa passion à celle qu'il voyait sur le point de partager le trône de son souverain? Confondu dans la foule des courtisans, il avait aimé Marie de loin, et seul, peut-être, au milieu des indifférents, il avait remarqué la pâleur de ce front charmant, et deviner la secrète blessure que trahissait un sourire plus triste que des larmes. Et voilà que le beau mariage impérial rompu, et le père de Marie dépouillé de tout, Féodor venait jusqu'au fond de la Sibérie avouer son amour et assurer que ce sentiment possédait assez son âme pour le consoler de ce qu'il laissait derrière lui. Il avait tout quitté, tout, jusqu'à son nom, qui l'eût empêché de rejoindre celle qu'il voulait pour maîtresse de sa vie, et devant une si entière abnégation, devant une tendresse si admirable et si rare, Marie sentit son cœur céder et voulut essayer de renaître à la joie. Si Pierre, sa Pia, ne fut pas oublié, un autre du moins fut aimé et mérita certes de l'être. Mais hélas, trop jeune et trop frêle pour résister aux orages qui s'étaient tant de fois amoncelés sur sa tête, Marie était déjà atteinte d'un mal incurable et Féodor ne devait connaître auprès d'elle qu'un bonheur de courte durée. Moins d'une année après que les jeunes époux avaient été secrètement unis par le prêtre de Berezov, la princesse Marie mettait au monde deux enfants, morts presque aussitôt, et suivait elle-même ses petits anges au tombeau. Le prince Féodor venait à peine de livrer à la terre cette chère dépouille qu'un oukase impérial arrivait à Berezov. Cet oukase, qui, vu la distance à parcourir, était resté des mois en route, permettait aux enfants d'Alexandre Menchikov de rentrer dans leur patrie. Elle leur rendait une partie des biens qui avaient appartenu à leur père. Déjà, celui-ci n'était plus. Il n'avait pas eu la douleur de coucher sa fille dans son cercueil et avait rendu le dernier soupir 6 semaines avant elle. Sa physionomie calme et résignée n'avait probablement été qu'un masque sous lequel se cachaient d'indicibles tortures morales. La maltière du vieillard s'était brisée sous l'effort. Amère dérision du sort que cette clémence venue trop tard. Pierre II, s'affranchissant de l'influence de son entourage, avait reconnu l'injustice qu'il avait commise en châtiant 3 innocents avec un coupable. Mais il est rare que Dieu permette à l'homme de réparer ses erreurs, et il semble que le ciel veuille, par là, nous rendre méfiants de nous-mêmes et nous avertir de bien peser des actions inspirées par cette sagesse que Bossuet a dit être toujours courte par quelque endroit. On montre encore, dans la petite église de Berezov, 2 chasubles brodées par les filles du prince Menchikov et un médaillon en or contenant une mèche de beaux cheveux couleur blond cendré. Ces cheveux, doux et fins comme de la soie, sont ceux de Marie Dolgoroukhi, née princesse Menchikov, et le médaillon a été légué en ex voto à l'église par le prince Féodor peu de temps avant de mourir. De son vivant, l'époux ne s'était jamais séparé de cette relique si chère, seul gage qui lui resta de celle dont il avait prisé l'affection au-dessus de tous les faux biens que le monde recherche et adore.